menteuse, mais pas vous, Caroline. On vous mentait à la météo, je vous ai entendu. Bon, puisque je raconte que des mensonges, je vais vous dire qu'il va faire beau. Hein, puisque pour le 15 août il va faire beau, ça je vous le promets. En attendant, aujourd'hui c'est vrai qu'on a encore pas mal de nuages avec un temps qui est redevenu quasiment sec sur toutes les régions. Cet après-midi, les éclaircies vont devenir plus larges sur le bord de mer. Les nuages vont également se morceler dans le centre du pays. Plus au sud du Sillon Sambre-et-Meuse, on aura quelques éclaircies, mais des nuages un peu plus compacts, un peu plus épais, et encore un faible risque d'ondées sur l'Ardenne. Les maxima reprennent des couleurs estivales, entre 19 et 25 degrés. Ce soir, le ciel sera bien dégagé, le vent sera modéré, les minima iront de 11 à 15 degrés. Demain, dimanche, deux belles journées bien lumineuses avec de belles éclaircies, encore quelques passages nuageux et de 21 à 25 degrés. Lundi et mardi, deux très belles journées avec un soleil plus que généreux, voire même omniprésent. Le vent sera plus faible, les maxima iront de 20 à 26 degrés et on nous annonce peut-être même un 30 degrés pour la journée de mercredi. Il est 8h et à la une de l'actualité, demain ça fera 20 ans que Marc Dutroux a été arrêté. Oui, le 13 août 96, la police capture le pédophile le plus recherché de Belgique. À un moment donné, il me dit, je vais vous donner deux filles. Et je lui dis, qui, Sabine? Il me dit, oui, vous savez. Je dis, oui, je sais, je ne savais absolument rien. Sabine et Laetitia s'en sortent vivantes. Quelques jours plus tard, par contre, les corps sans vie de Julie et Mélissa sont retrouvés. On reviendra sur ces moments difficiles en archive dans une minute. On verra aussi quels enseignements ont été tirés de l'affaire Dutroux, qui a notamment refaçonné le fonctionnement de la justice et de la police en Belgique. Le respect de la vie privée n'est pas assuré dans les questionnaires médicaux des assurances. C'est Testacha qui dresse ce constat et interpelle les compagnies d'assurance. Le début de la discipline reine à Rio, 4 athlètes belges entrent en piste. Aujourd'hui, on entendra Nafi Thiam, dont c'est les premiers Jeux Olympiques. Enfin, des milliers de bégonias et de dahlias ont envahi la Grand Place de Bruxelles. Le tapis de fleurs sera visible durant 4 jours dans la capitale. On vous le présente en fin de journal. Et on revient donc ce matin sur une des pages sombres de l'histoire belge. Demain, cela fera 20 ans, jour pour jour, que Marc Dutroux a été arrêté. Un jour dont beaucoup se souviennent, le pédophile le plus recherché du royaume était mis hors d'état de nuire. Deux jours plus tard, c'était le soulagement pour les parents de deux des jeunes filles séquestrées par Marc Dutroux, Sabine et Laetitia, retrouvées vivantes. Quatre jours plus tard, par contre, tout espoir disparaît définitivement pour les familles Lejeune et Rousseau, avec la découverte des corps sans vie de Julie et Mélissa. Retour sur ces moments difficiles en archive avec Odile Lehert. C'était en 96, le 9 août. Laetitia Delay, 14 ans, disparaissait en revenant de la piscine de Bertry. Elle racontera. Le lièvre, il a fait semblant de ne pas entendre et j'ai dû répéter une deuxième fois. Et en attendant, Dutroux est arrivé par derrière et il m'a pris par le cou et m'a mis dans la camionnette. Un passant a noté le numéro de plaque de la camionnette. Elle mènera à Marc Dutroux. Arrêté. Le 13 août, deux jours plus tard, lors d'un long interrogatoire, Dutroux craque face à ce policier. À un moment donné, il me dit, je vais vous donner deux filles. Et je lui dis, qui, Sabine? Il me dit, oui, vous savez. Je dis, oui, je sais, je ne savais absolument rien. Marc Dutroux montre la cage de Marcinelle aux enquêteurs. Deux jeunes filles en sortiront. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que nous avons retrouvé saine et sauve Laetitia, mais aussi Sabine. Le procureur de Neuchâtel, Michel Bourlet, annonce la bonne nouvelle. Des scènes de liesse accueillent Laetitia, Bertry, Sabine dans le Tournaisis. Une joie qui contraste avec l'horreur deux jours plus tard. Jeudi dernier, c'était l'euphorie. Aujourd'hui, c'est l'horreur. Le 17 août, Marc Dutroux emmène les enquêteurs dans le jardin de sa maison de Sarre-la-Buissière. Francis Dubrux, habitant du village, est aux premières loges ce jour-là. Mon beau-frère, qui était dans la gendarmerie, et tout de suite, il est revenu avec la triste nouvelle. On a retrouvé les corps de Julie et Mélissa à Sarre-la-Buissière. Quant aux parents de Anne et Effie, il leur faudra encore attendre 2 semaines et demie, une éternité, pour savoir ce qu'il est advenu de leur fille, décédée également. Odile Lehert avec David Brichard. Et après ces tristes découvertes, ce sont les ratés de l'enquête qui ont été mis en avant. Lors d'une perquisition, les enquêteurs passent à côté de Julie et Mélissa sans les repérer. Des témoignages se perdent entre la police et la gendarmerie. Des interrogations aussi sur la libération conditionnelle de Marc Dutroux, pourtant récidiviste. Ces énormes couacs ont bouleversé la Belgique et amené plusieurs réformes, dont celle de la police. Christian De Valkener était procureur du roi Charleroi au moment de l'affaire, on l'écoute. Beaucoup de choses ont évolué, notamment des services d'accueil des victimes. au niveau des magistrats, de plus en plus, il y a la conscience que c'est très important de reconnaître des souffrances, de pouvoir dialoguer, de pouvoir, je dirais, parler aux justiciables de manière peut-être différente que ce qu'on ne le faisait avant l'affaire Dutroux. Et de ce point de vue-là, je pense que ça a été, il y a eu un avant et un après. Il y a eu beaucoup de réformes au niveau de la justice. On a parlé effectivement de la professionnalisation des magistrats, notamment en termes de recrutement, mais aussi en termes de formation. De dépolitisation aussi, dépolitisation, c'est un peu ça. Et en termes également de formation, il faut savoir qu'avant l'affaire Dutroux, la formation était quasiment inexistante au niveau des magistrats. Maintenant, on a vraiment quand même des programmes qui sont assez solides en matière de formation des magistrats. Donc tout ça, ce sont des avancées. Mais je pense qu'il y a eu une réforme trop peu, c'est-à-dire qu'on a réformé les services de police en 1998 avec la loi sur la police intégrée, mais il a manqué effectivement une réforme de la justice à ce moment-là, et je pense qu'on a perdu peut-être 20 ans. Des propos recueillis par Robin Cornet. Veille de long week-end qui s'annonce chargé sur les routes européennes. Le code est orange en France dans le sens des départs ce vendredi. Il sera rouge dans les deux sens demain, ainsi qu'en Autriche, en Suisse et en Italie. Et chez nous, ce sera orange dans les deux sens samedi et lundi. Cette question à présent, les questionnaires médicaux, les assurances, respectent-ils notre vie privée? Sûrement pas. Pour Test Achat, ces questionnaires, vous devez les remplir pour obtenir un crédit hypothécaire. Et Test Achat, on a analysé 12 versions et seules 3 d'entre elles respecter la protection de la vie privée. De leur côté, les assureurs affirment que la législation est respectée. Les explications de Thierry Van Gulik. Un emprunt hypothécaire s'accompagne aujourd'hui presque toujours d'une assurance dite « solde restendu » qui garantit qu'en cas de décès prématuré, l'emprunt sera remboursé. Mais pour obtenir cette assurance, il faut répondre à une enquête médicale avec des questions pas toujours opportunes. C'est ce qu'affirme Julie Frère, porte-parole de Test Achat. On a des questions qui sont extrêmement floues et vagues, comme « Avez-vous été chez le médecin ces 12 derniers mois ? Souffrez-vous d'un rhume des foins ? Souffrez-vous d'angoisse ?» Ce sont des questions très larges et qui ne portent par ailleurs pas sur un facteur qui aggrave significativement le risque de décès. À cela, Wauthier Robijn, porte-parole d'Assuralia, répond que la procédure a été validée par une instance officielle. Les autorités ont reconnu la légitimité de ces questionnaires puisqu'elles ont créé une instance qui doit approuver ou recaler les questionnaires. Cet organisme est un organisme dans lequel siègent à la fois des représentants du monde de l'assurance, des représentants des patients et des représentants des consommateurs. Autre reproche majeur, la confidentialité des données n'est pas assurée dans 9 cas sur 12. Peut-être, répond Wauthier Robijn, mais alors c'est à la justice de trancher. Et justement, Test Achat donne un délai de quelques semaines aux assurances pour corriger ces fameux questionnaires. Après, elle portera l'affaire devant les tribunaux. Jamais le Belge n'a eu autant d'argent sur son compte à vue, 5 300 euros en moyenne. C'est un tiers de plus qu'il y a 2 ans. Ce montant record est lié au taux ultra bas sur les comptes d'épargne classique selon les banques. Info rapportée ce matin par le journal L'Écho. Et voilà un constat qui devrait vous intéresser si vous travaillez tôt le matin, comme nous dans le fond. Notre fatigue ne serait pas directement liée à notre temps de sommeil. Eh bien c'est en tout cas ce qu'affirment des chercheurs de l'université de Liège. Ils se sont intéressés à notre horloge circadienne, un mécanisme que nous connaissons peu et qui pourtant rythme nos vies. Un cycle naturel à respecter pour être bien reposé, c'est une donnée essentielle d'une bonne santé. On voit cela avec Barbara Schall. Nous en avons tous fait l'expérience. Plus on est fatigué, moins on est concentré. Alors en toute logique, pour être plus performant dans son travail ou plus vigilant sur la route, il suffirait de dormir plus. Eh bien, ça n'est pas tout à fait vrai. Mais non, vous avez aussi un cycle intrinsèque qu'on appelle l'horloge circadienne. Le professeur Pierre Maquet étudie le sommeil à l'ULG. Il précise, cette horloge rythme nos vies par période de 24 heures. Donc on a des horloges dans le foie, dans le poumon, dans le rein, dans l'intestin. Et elles sont toutes synchronisées par une petite horloge qui est dans notre cerveau et qui fait que l'ensemble de notre organisme est soit dans le mode éveil, soit dans le mode sommeil. Et contre cela, impossible de lutter. Mieux vaut donc faire de cette horloge une alliée. Donc les trucs pour bien respecter son rythme intrinsèque, c'est de se réveiller spontanément. Après le réveil, s'exposer à la lumière du jour. À l'inverse, en soirée, essayer de tamiser les lumières et s'endormir quand le sommeil arrive spontanément. Le plus dérangeant pour notre organisme, les rythmes changeants. Le travail à horaires irréguliers en premier lieu. Pourtant, en Europe, près d'un tiers de la population serait contrainte à adopter ce rythme contre nature à un moment ou à un autre de sa vie. En France, un nouvel incendie s'est déclaré hier près de Perpignan. Incendie violent attisé par la Tramontane. 500 pompiers sont mobilisés. Les autres incendies dans les Bouches-du-Rhône et dans l'Hérault sont sous contrôle. Situation maîtrisée aussi sur l'île de Madère. Elle reste préoccupante par contre dans le nord du Portugal. Et puis la Thaïlande, secouée par une série d'explosions depuis hier. Elles ont fait au moins 2 morts et 20 de blessés, selon un dernier bilan. Plusieurs villes ont été touchées, dont la station balnéaire de Phuket ce matin. Des explosions de bombes qui ne sont pas liées au terrorisme, indique la police. Elles n'ont pas encore été revendiquées, mais tous les regards sont tournés vers le mouvement séparatiste musulman du sud du pays. Il est 8h10, le 8-9 Sport avec les Jeux de Rio et cette 22e médaille d'or pour Michael Phelps. Une médaille conquise cette nuit dans le 200 mètres 4 nages, une épreuve qu'il remporte pour la 4e fois d'affilée après les Jeux d'Athènes, de Pékin et de Londres. Et l'aventure de Phelps n'est peut-être pas encore finie puisque l'Américain s'est également qualifié pour la finale du 100 mètres papillon cette fois. Côté belge, c'est le grand jour pour nos athlètes belges donc. Manu Jous, 4 d'entre eux débutent leur compétition ce vendredi. Oui, et parmi eux, un authentique espoir de médaille en la personne de Philippe Milanov, vice-champion du monde au lancer du disque et qui se dit très calme avant d'entamer les qualifications. Les frères Kevin et Jonathan Borlée, bien sûr, dans les séries du 400 mètres. Ce sont leurs 3e jeu. Ils sont un peu moins attendus qu'à Londres il y a 4 ans. Et on le sait, Kevin souffre un petit peu de la cheville. Et puis à suivre aussi Nafi Thiam qui pour ses premiers Jeux Olympiques va doubler heptathlon et saut en hauteur. Mais sa priorité reste bien l'heptathlon qui débute aujourd'hui avec les 4 premières épreuves, le 100 mètres et la hauteur justement, le poids et le 200 mètres. Je rêve un peu d'un top 8. Je pense qu'une place de finaliste pour mes premiers jeux serait vraiment magnifique. Après, je ne peux pas contrôler comment mon coude sera. Pour la hauteur, j'aurai un heptathlon dans les jambes. Sauter en hauteur après un heptathlon, je ne l'ai encore jamais fait. Moi, quand je finis un heptathlon, j'ai déjà du mal à marcher. Donc, pour le concours de saut en hauteur, on verra. Je pense que c'est plus pour encore profiter de ces jeux et retourner une dernière fois sur la piste. Une interview d'Éric Libois. Merci Manu Jous pour toutes ces précisions. Côté belge toujours, la journée d'hier était plutôt aigre-douce avec les éliminations du judoka Thomas Nikiforov et du tennisman David Goffin. En revanche, tous les signaux sont au vert pour notre équipe de hockey. Vainqueur de l'Espagne 3-1 et assuré de finir à la première place de son groupe. Avant même son dernier match de poule, ce sera ce soir pour les Red Lions contre la Nouvelle-Zélande. Le golf, lui, fait son retour cette année au programme olympique plus d'un siècle après la dernière distribution de médailles. On a beaucoup parlé du golf avant ces Jeux, avec les forfaits des meilleurs joueurs mondiaux, le parcours sorti de terre en pleine réserve naturelle aussi. Mais cette fois, la compétition a bien commencé et dans une ambiance particulière. C'est un reportage de Lise Burion. Le golf a importé son ambiance feutrée du côté de Rio. Le public déambule entre les différents trous, un public partagé en 2 grandes catégories. Les connaisseurs, britanniques, australiens, français, américains et les brésiliens, curieux, pour une fois plutôt disciplinés, comme le constate ce supporter américain habitué des parcours. Dans les tournois habituels aux États-Unis ou en Europe, il y a beaucoup plus de monde et plein d'encouragement. Ici, c'est vraiment silencieux. Les jeux découvrent les golfeurs et les golfeurs découvrent les jeux. L'apprentissage réciproque prend un peu de temps. Le français Julien Ken et Nicolas Colsart. C'était surtout au niveau des photographes asiatiques plutôt parce qu'ils ont mitraillé pendant qu'on était en train de jouer donc ils avaient du mal à attendre qu'on tape la balle. Là ils nous annoncent les 3 en même temps, ce qu'on fait jamais d'habitude donc je me suis rendu compte en fait c'était moi à jouer. La nana m'a regardé au départ du 1, l'air de dire bon t'y vas alors que voilà normalement on annonce joueur après joueur. Et puis il y a ces rencontres plutôt étonnantes, l'autre français Grégory Bourdi. Voilà des bestioles que j'avais jamais vues avant qui ressemblent à un énorme ragondin là. Puis on a vu quand même des crocodiles aussi. Des caïmans peut-être plus précisément. Ah, c'est pas commun. Hein. Découverte et dépaysement, les absents regretteront peut-être de ne pas être venus. Ceux qui sont là veulent en tout cas marquer l'histoire de leur sport. C'est 3 premières passes qui comptent et celle du haut, elle peut être juste magique. Voilà. Et à noter que les Belges sont bien entrés dans leur tournoi puisque Thomas Peters est 4e au terme du premier tour. Nicolas Colsart est lui 9e. Enfin, un mot de football avec l'ouverture chez nous de la 3e journée de championnat de football. Le leader Anderlechtois se déplacera ce soir à Saint-Trond. Et puis une tradition qui se tient tous les 2 ans sur la Grand Place de Bruxelles. L'installation de l'un des plus grands tapis de fleurs au monde. Cette année, c'est le Japon qui est l'invité de marque de l'événement. 120 bénévoles s'activent depuis 5 heures ce matin. En tout, plus de 600 000 fleurs pour une superficie de 77 mètres carrés sur 24. Le reportage sur la Grand Place de Bruxelles de Fabrice Gérard. Un tapis de 1800 mètres carrés de fleurs en plein cœur historique de Bruxelles depuis sa première édition en 1971. C'est le designer Marc Schouten qui en est le créateur artistique. Pour les fleurs, on a des dahlias et des begonias. Et c'est vrai que c'est un des plus grands tapis de fleurs au monde, peut-être le plus grand. Oui, c'est le plus grand du monde. Oui. En cette année 2016, le tapis de fleurs est dédié au Japon. Un choix qui s'explique par le 150e anniversaire des relations diplomatiques du pays avec la Belgique. Quant aux bégonias, ils viennent de Flandre, comme l'explique Annette Katz, l'administratrice de la SBL Tapis de Fleurs. Ils viennent de la région de Locristie, oui, autour de Gand, et nous sommes les plus gros exportateurs de bulbes de bégonias au monde. C'est ça, donc ce sont des bégonias d'une qualité certaine. Ah oui, ça je crois. Les fleurs sont belles, j'espère qu'elles ont bien grandi malgré le temps pourri de cet été, mais bon, à mon avis, on va y arriver. Malgré les récents attentats, les autorités tablent sur un gros succès de foule. Philippe Claus, l'échevin du tourisme à la ville de Bruxelles. Mais on est convaincu parce qu'on le voit déjà sur les réseaux sociaux, les gens sont en attente de ce tapis tous les deux ans, on le dit, c'est vraiment un événement exceptionnel. En plus, cette année, c'est la première fois que l'ensemble des façades de la Grand Place sont enfin rénovées et donc on aura vraiment, une fois pour toutes, la plus belle Grand Place du monde. Enfin, un conseil, venez léger car de nombreuses fouilles sont prévues pour accéder à la Grand Place et au balcon de l'Hôtel de Ville. Voilà une petite idée de sortie pour ce week-end. Avec donc le désormais célèbre bégonia, c'est quoi votre fleur préférée, vous, Julie? Le bégonia. Le bégonia, oui, Pierre. La pâquerette. La pâquerette, oui, très bien. Catherine, vous aimez quoi? Lys. Oui, lâchez pas faire l'accent. Non, c'est trop. Je vous ai fait plaisir, moi. Oui, donc bégonia. Vous êtes gentil. Vous êtes une gentille camarade. 8h16, voici un nouveau 8-9. Stéphane, le RTBF Mobile Info. Calme sur nos routes, Benjamin, c'est donc une bonne nouvelle. Ça ralentit quand même une vingtaine de minutes supplémentaires sur le 42 Prume Bâtisse. Vous êtes ralenti à hauteur d'Anzival jusqu'à Chêneux, donc là, il faut être patient. Là où il faut vraiment être très patient, c'est carrément le point rouge, c'est sur l'autoroute de la mer, Ostende-Bruxelles, donc en direction de Bruxelles. Un véhicule est en panne à Alter et c'est la voie centrale ainsi que la voie de droite qui sont obstruées et les automobilistes perdent actuellement 63 minutes, donc plus d'une heure en direction de Grand Bigard. Bon courage. Une bonne nouvelle, lot de consolation sur le ring. La circulation n'est que légèrement ralentie à l'approche du chantier d'Anderlecht. Une petite 4 minutes supplémentaires entre Ittre et Grand Bigard. Voilà pour la circulation intérieure. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Ah, les autres jours, on pouvait être distrait, mais ici, c'est veille du week-end de 15 août. Pierre, pour l'évasion express, vous nous emmenez où ce matin? J'ai mis ma veste de safari, vous allez voir pourquoi. Attention, il y aura des animaux après la pub. C'est l'été. Et qui dit été dit... Salut maman, dis, est-ce que tu peux nous déposer mes potes et moi à l'aéroport demain? Mais en fait, ce que votre fils veut dire, c'est... Bon maman, tu passeras bien 2 heures dans les bouchons demain pour nous déposer à l'aéroport. De toute façon, tu peux rien me refuser et puis les autres parents sont pas dispo. Allez, à demain. Rendez-vous service et faites plaisir à vos enfants en devenant amis chauffeurs. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. Salut, c'est moi, Hip, et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. En ce moment, dans votre hypermarché Carrefour, à l'achat de minimum 100 euros, vous recevez une réduction de... BAM ! 10 euros ! Profitez-en vite, cette action est uniquement valable jusqu'à ce samedi. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Waouh ! Londres, Paris, Berlin ! Mini Europe, un monde miniature où vous attendent 350 monuments reproduits à la perfection. Flânez dans ces superbes jardins et actionnez les nombreuses animations interactives. Mini Europe, c'est géant. Et ensuite, plongez dans l'Océade à côté de l'Atomium. L'auto présente le mois de Wout. Chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Et ce samedi, un tirage très, très wow. Près de 2 millions d'euros à gagner. Jouez au loto. Le 8-9. Et je signale qu'à 8h50, on appellera Redu, l'Eurospace Center, pour débriefer la nuit des étoiles. Les passionnés ont regardé les étoiles filant tout au long de la nuit. Enfin, hier, il faisait dégueulasse. Le ciel était dégagé chez vous, Pierre? Pas du tout, non. Non, c'était l'hiver. Voilà, donc on verra si Redu a vu quelque chose ou s'ils ont discuté de tout, de rien et surtout de rien. Donc tout à l'heure, on appelle Redu pour débriefer la nuit des passionnés. Les people en vacances. On parlera de Drew Barrymore qui fait la grosse fiesta pendant ses vacances. Et le plus jeune des frères Hanson est papa. Attention, 8h19 avant la grande évasion tout à l'heure, nous avons un aventurier à la table, un Philippe Lambillon, mais version locale. Vous êtes en tenue safari, donc. C'est une pub pour le monde sauvage des Wai. On connaît pratiquement mieux le jingle pub que le monde sauvage des Wai. Oui, c'est vrai. C'est à 25 km de Liège, pour rappel. C'est un safari que vous pouvez faire en voiture avec un petit train, voir des animaux qui se trouvent derrière des baies vitrées quand même. Il y a tous les animaux possibles, imaginables. Ça a été fondé, pour la petite histoire, par un pilote de ligne. Vous savez qu'à l'époque, à la Sabena, on devait gagner pas mal d'argent comme pilote de ligne, commandant de bord. Et il voulait investir dans les animaux. Il aimait bien ça. Il a acheté 164 hectares dans la région donc, des Wai. Et il a commencé à placer des rhinocéros, des hippopotames. Et c'était en 1975, la même année qu'au Alibi. Ouais, mais bien avant Péridesa, parce qu'on croit que c'est bien avant. C'est l'histoire de la Belgique. Et puis ça s'est développé. Et le pilote, chaque fois qu'il partait en voyage, il ramenait un animal et il le plaçait dans son mode sauvage. C'est ça, à mon avis. Il chassait les passagers de l'avion. Il dit attends, allez, viens, l'éléphant. Alors Julie l'a dit ce matin dans le 6-8 à la télé, c'est la journée mondiale de l'éléphant. La protection de l'éléphant. Ouais. Donc ça tombe bien qu'on en parle. On va faire un petit quiz, tiens, si vous voulez. Un petit quiz sur les animaux, parce qu'il y a plein d'animaux, mais il y a des animaux avec des noms bizarres. Qu'est-ce que le biorneau ? C'est dans la famille des tigres ? Des oiseaux ? Ah, des oiseaux. Avec un G, ça fait un bigorneau. Oui, non, c'est pas un bigorneau. C'est quoi ? Ben regardez, c'est ça, un bigorneau. Vous me montrez une photo, mais je ne sais pas ce que c'est. Eh ben, c'est un colibri. C'est un oiseau échassier. Ah oui, ok. Ouais. D'accord. Ouais. Ok, parce que sur la photo, il a l'air tout petit. Vous savez ce que c'est, un oiseau une patte ? Non. Un oiseau migrateur. Oh, pas mal. Bon, qu'est-ce qu'un caracal ? C'est un perroquet. Non. Non, c'est quoi ? Catherine, tente sa chance. Caracal, c'est un drôle de nom, hein. Dans la famille des oiseaux aussi, non ? Non. Vous allez être un truc genre dans la famille des... Ça existe, oriacal ? Je vais inventer des mots en même temps. Ça fait penser à chacal, non ? Vous trouvez pas ? Ah, on n'est pas trop loin. Regardez ce que c'est. Jacal. C'est un lynx, c'est la famille des lynx. J'y étais. Ça s'appelle aussi le lynx de Perse. Allez, en troisième. Est-ce qu'on dirait un chat sauvage ? Il a des belles oreilles. Un émeu d'Australie. Un émeu d'Australie. Ce n'est pas une vache. C'est dans la famille des biches. Des biches ou des espèces de grands pans avec une énorme on est plus proche de ça. Non Otari, non, c'est de la même chose. Pour l'instant c'est 0 sur 3, c'est ça, les meux. Les poissons regardez. Rouges, alors les meux, ah, ça ressemble, mais c'est le cousin de l'autruche. Ouais. Il y a une petite autruche que ça vous émeut. Bien joué. Voilà, donc monde sauvage des Wai. Ouais. C'est tout ? J'ai plus le temps pour la quatrième ? Non, vous n'avez plus le temps. Bah, tant pis, alors au revoir. Alors merci, on se quitte fâché. Alors c'est plus. 8h22, nous étions le 4 mai, et ce jour-là, la révolte grondait dans l'ensemble des prisons belges. Oui, parfaitement, Benjamin. L'État est même soumis à une astreinte de plus de 5000 euros par jour. Et c'est totalement insuffisant quand on voit les conditions inhumaines dans lesquelles croupissent les détenus et travaillent les gardiens. Mais qu'entend de plus d'un gouvernement qui affame déjà ses citoyens et les laisse crever dans leur fond. Oui, monsieur Goblet. Oui, monsieur Goblet, je suis d'accord avec vous. Gouvernement de gamin. Je sais bien, je sais. En parlant de merde, nous allons déverser 10 tonnes de lisier frais dans la gueule de Charles Michel. Et je me demande si c'est une bonne idée, parce que du lisier sur la gueule de monsieur Patate, il risque de se reproduire un grand nombre avec sa tronche de tubercule. Mais monsieur Goblet. Alors, concertation, analyse, pondération. Le ministre de la Justice, Koen Gaines, est avec nous ce matin. Monsieur Gaines, la grève dans les prisons, que fait-on ? Bonjour, alors j'ai analysé, j'ai écouté les positions des uns et des autres, et je vais vous le dire franchement, monsieur Douarzy, je ne sais rien de ce qu'on fait. J'ai absolument aucune idée. Je ne fais pas de problème avec personne, ni avec les syndicats, ni avec les détenus, ni avec les matons, ni avec ma femme, ni avec monsieur Maréchal. Mais monsieur Gaines, on attend de vous des solutions. Mais moi, je voulais pas la justice, hein. Je leur avais dit, j'étais bien aux finances, mes petites additions, le bureau qui ferme à 4 heures, ma frangipane, je sais pas pourquoi, ils m'ont changé, j'ai demandé rien du tout. Mais monsieur Gaines, on attend de vous des solutions. Je ne sais pas aider, je sais pas. Hein. Les gardiens demandent des flexiprimes, des ajustements pour leur pause, des gens en plus, mais il n'y a plus un radis. C'est fini, held over. On ne sait même plus débloquer une demi-cook pour acheter du polyphila ou appeler Mr. Minute pour les c'est rude. Geldover, il reste encore de quoi me payer. Et encore. Pourquoi j'ai accepté ce poste ? Mais vous êtes le négociateur, monsieur Gay. Non, je suis rien du tout. Hein, je suis Koen, je veux retourner à Brassat faire mon jardin. Mais vous êtes en poste, ça va faire 2 ans. Ah, c'était une erreur. Je m'excuse. Bon, monsieur Michel, c'est vous qui avez nommé Koen Gaines à ce poste. Hein. Oui, la loi des hommes prime sur la loi de Dieu. Le show d'index n'aura aucune incidence sur le pouvoir vous essayez de rabâcher tout le temps les mêmes phrases. Kun Gins. Comment va-t-il? Il est là, juste à côté de vous. Ah oui, pardon, pardon. Quelle présence, quel charisme. Ah bah oui. J'ai cru que c'était un figurant de la trêve. Oui. Kun Gins me semblait être le meilleur choix du CDNV pour la justice. C'était lui. Où Yves Le Terme. Un très bon choix, Kun Gins. Très bon choix, Kun Gins. Merci. Le problème de toute cette histoire, je vais vous le dire, c'est celui-là. Les gardiens de prison se radicalisent. Et les détenus aussi. Oui. Et tout le monde se radicalise dans nos prisons. Vous enfermez Thomas Van Ham ou Adamo dans une de nos prisons. 6 mois après, ils partent vers le djihad en Syrie et le sabre entre les dents. Ah bon. Alors, les gardiens qui y vivent, vous pensez bien. Mais qu'est-ce que vous préconisez alors? Parce que Eh bien, de faire sortir tout le monde, abattre les prisons et aménager des terrains de golf. Vous savez, ça se démocratise, le golf. Non mais les prisonniers, vous en faites quoi alors? Eh bien, ce serait à eux de prendre leurs responsabilités. Moi, j'entends ce que me disent les psys. L'enfermement est un facteur qui aggrave la pathologie. Oui, d'accord. Supprimons les prisons, la criminalité disparaîtra d'elle-même. Voyez Madame de Padua. Après Viva for Life, 5 jours dans un cube de verre, elle est devenue incontrôlable. Une bête sauvage. Elle va prendre votre place, Monsieur Maréchal. Enfin, revenons à ce qui nous occupe. Bon, alors, pour les détenus, là maintenant, la nourriture commence à manquer. Eh bien, ils se mangeront entre eux, c'est tout. Comment croyez-vous que cela fonctionne en politique? C'est pareil. En tout cas, moi, avec Reinders, ça a marché. Non, mais écoutez, ça n'est quand même pas une raison. Ce gouvernement préfère encore faire crever de faim un travailleur plutôt qu'un détenu. De toute façon, tant qu'il n'y aura plus de ministres que de gardiens de prison, on ne s'en sortira pas. D'accord, d'accord. Je préconise dès lors de guillotiner tous les ministres. Non, mais excusez-moi. Vous n'êtes pas en grève, ou aujourd'hui? Non, j'ai vérifié le planning en mai. Je ne suis pas en grève. Le 8, le 15, le 22 et le 30. Ah. Et le fait que ces 4 dates tombent un dimanche est purement fortuit. À ce stade, je signale qu'il n'y a pas de grève dans l'équipe du 8-9. Il vous reste une demi-heure, les gars, pour faire une grève sauvage. Non. Mais non. J'ai le monde sauvage, moi, déjà. Déjà. Dans un instant, c'est le rappel des titres avec Catherine. Vivacité et Tour des sites d'organisation présente 800 reflets, un show en 3D époustouflant qui vous plongera dans l'histoire mystique de l'abbaye du Val-Dieu. Rendez-vous chaque soir du 29 juillet au 28 août à l'abbaye pour un spectacle monumental haut en couleur et gratuit. Info tourdescites.be. Avec les fromages, les bières et le cidre de Val-Dieu, l'Avenir, Télépro, la Note Nationale et le CGT. En télé, sur la Une. Le garçon avait entre 15 et 20 ans. On a trouvé d'importantes traces de cocaïne et d'extasie dans son sang. Ma fille n'a que 14 ans. Si elle a disparu, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose. Ce n'est pas un gros trafiquant, mais il aimerait bien le devenir. Il était à Sandam ce week-end. Meurtre à Sandam, saison 5, dimanche soir sur la Une. Ce samedi sur Vivacité, vous avez rendez-vous avec Julianne Peretta, Louane, Cœur de pirate, Lost Frequencies. Dès 17h, Marc Vernon et Marion Jomotte vous font vivre en direct les meilleurs moments du Brussels Summer Festival. Et si vous changiez d'air? Pour une fois, connectez-vous à la nature. Forestia, aventure au cœur de la forêt. Forestia.be. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Dis barbecue ce soir. Non, désolé, je peux pas. Bah, tu fais quoi? Ben, je dois acheter en ligne des entrées pour un festival, googler les paroles de wow, prendre des photos du paysage et les poster sur Instagram avec un filtre sunrise pour dire que c'est l'été, aller sur Tinder pour pouvoir enfin avoir une petite amie à inviter à la prochaine fête de famille que je dois mettre comme événement sur Facebook et faire du face-up avec des inconnus parce que c'est drôle. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be/qualité. Et tu sais que tout ce que je peux faire ici, je peux aussi le faire à l'étranger? Surfer et partager aussi en vacances. Proximus réduit les tarifs roaming pour ses abonnés jusqu'à 70%. Proximus, infiniment proche. Bon, t'as pas oublié les maillots? Non. Les valises, elles sont dans la voiture? La voiture? Et quelle voiture? Restons zen. Jusqu'au 31 août, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves suréquipées, immédiatement disponibles. À découvrir sans tarder sur citroën.be. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Attends, Jean, je sais que t'as envie d'un jus de fruits maternes, mais pas en pleine nuit quand même. Et les jus de fruits maternes, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci maternes. Au rayon frais. En ce moment, chez Colruyt, 3% de réduction sur tous vos achats, en plus des meilleurs prix, jusqu'à mardi inclus. Regardez vite sur colruyt.be. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Ce week-end, le créateur, c'est vous. Vendredi et samedi, recevez 15%, oui, 15% de réduction sur tous vos achats pour réaliser vos plus belles créations. Pour les makers, Brico. Et vous nous rappelez, Catherine, l'actualité de ce vendredi. Et c'est une page sombre de notre histoire sur laquelle nous reviendrons toute la journée. Cela fait 20 ans que Marc Dutroux a été arrêté. Le pédophile le plus recherché de Belgique était mis hors d'état de nuire le 13 août 96. Veille de long week-end qui s'annonce très chargé sur les routes européennes. Le code est orange en France dans le sens des départs ce vendredi. Il sera rouge dans les deux sens demain. En sport, le début de la discipline reine des Jeux Olympiques. 4 athlètes belges entrent en piste aujourd'hui à Rio. La nuit a, elle, été marquée par la 22e médaille d'or de Michael Phelps en 200 mètres 4 nages. Attention, c'est une phrase importante. Aujourd'hui, il fera sec sur la grande majorité du territoire. Je le redis, aujourd'hui, il fera sec sur la grande majorité du territoire. Mais alors, en tout petit, il est écrit qu'une ondée très localisée n'est pas impossible. Bref, 20 degrés, voire même 22 degrés de maxima pour aujourd'hui. Il est 8h30. L'info dans notre région. Bonjour Anne Poncelet. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. C'est parti, la fête commence en Outremeuse. Un cortège, une messe, des maris fleuris, du péquet, des bouquettes. Les Liégeois iront prendre un verre dès ce soir, avant ou après le spectacle de marionnettes. À la manœuvre de ces jours festifs, la République libre d'Outremeuse. Cette République n'a bien sûr aucune valeur légale. C'est une ASBL, mais devenue une véritable institution, Barbara Schall. C'est en 1927 qu'est proclamée la République libre d'Outremeuse. Ses pères fondateurs, des journalistes et des personnalités locales qui voulaient relancer et préserver le folklore du quartier. L'idée de cette République autoproclamée est née après une visite à Paris, à Montmartre plus précisément. Là-bas, ces Liégeois découvrent la commune libre de Montmartre et séduits par ce vent d'indépendance et de liberté, ils décident de ramener le concept dans leur bagage jusqu'au royaume de Belgique. Rapidement, la République rencontre un succès populaire. Elle forme un véritable petit gouvernement. Après-guerre, la République libre d'Outremeuse crée un musée, le musée Tchantché. Il est le siège du gouvernement, mais aussi le sanctuaire du folklore local, avec ses spectacles de marionnettes et sa collection d'emblèmes du quartier. Mais la République est surtout connue comme l'organisatrice des fêtes du 15 août. D'abord modeste, elle ne dure qu'un jour. Elles prennent ensuite de l'ampleur pour devenir ces 5 jours de fêtes que l'on connaît aujourd'hui, mélange de populaire et de sacré. Et pour ces jours de festivités, 600 policiers aidés de militaires veilleront à ce que le mot « fête » garde tout son sens cette année encore. Des contrôles seront menés aux 10 points d'accès du périmètre de sécurité. Il y aura des fouilles, des sacs à main. Les sacs à dos de sport ou les valises sont purement et simplement interdits. Les informations pratiques sont disponibles sur le site de la police de Liège. On nous annonce un beau week-end et pourtant, à Comblain, pas question pour les habitants de la rue des Ouailles de profiter de leur terrasse. C'est interdit, Françoise Dubois. Une interdiction sur ordre des pompiers pour ces terrasses qui sont collées à la falaise. Il faut dire qu'il y a une dizaine de jours, une dame a eu la peur de sa vie en voyant dégringoler une partie de rocher de 50 cm de large. Les pompiers ont donc pris des mesures en urgence. Capitaine Tanguy Firenz. La pierre s'est fendue en deux et une partie a rebondi et est venue percuter le mur de l'habitation. Comme il y a un risque d'autres morceaux de rocher se détachent, j'ai signifié l'interdiction de rester au niveau des terrasses jusqu'à ce que la falaise soit contrôlée et éventuellement sécurisée. On doit éventuellement faire tomber les éventuels morceaux qui seraient déjà instables. Et puis, sur base d'une analyse d'un spécialiste, il y aura lieu peut-être de procéder à des travaux de sécurisation de la paroi. Alors, il y a 10 jours, on a évité le pire. Personne n'était sur cette terrasse, mais ce n'est pas la première fois que cela arrive. Pourquoi n'empêche-t-on pas ces chutes de pierres? Effectivement, c'est déjà arrivé, mais avant de travailler sur cette falaise, de mettre peut-être des filets de sécurité, il faut savoir à qui elle appartient. C'est là que le bât blesse, le site était privé, les héritiers ont renoncé à l'héritage, donc on ne sait pas qui payera ces travaux, sans doute très onéreux. La commune a mis un cabinet d'avocats sur le dossier, une réunion doit avoir lieu fin du mois. Merci Françoise, la période des camps scouts se termine. Si vous vous êtes promené dans les régions boisées, vous n'avez pas pu rater les tentes, aujourd'hui le plus souvent montées sur pilotis. Un type de construction qui s'est généralisé ces dernières années chez les scouts. Rencontre à Stoumont avec Okapi, chef de troupe de Fexeslin. Pour lui, c'est une nouveauté. On est chez les Tigres ici. Pilotis d'environ 2,50 m, 3 mètres de haut, plutôt 3 mètres. 3 jours pour le faire. Donc voilà, ici c'est assez pratique parce qu'en fait ils peuvent mettre leur affaire en dessous du pilotis, c'est un abri pour la pluie. À côté de ça, il y a aussi le défi, donc c'est aussi un challenge de monter la tente, etc. à 3 mètres de hauteur. Avant, on faisait juste des constructions, mais en mettant les tentes au sol. Donc il y avait une table et une table à feu qu'on construisait, mais c'était des plus petites constructions, plus simples à faire. Le plus compliqué, c'est de mettre la tente sur le pilotis. Le pilotis en lui-même, faire les trous et mettre les perches, ça va. Après, pour dresser une tente à 3 mètres de haut, c'est plus compliqué. Mon totem, c'est pas Géro, et mon prénom, c'est Nils. Quel est le morceau qui t'a paru le plus difficile à... Le plus difficile, faire le brûlage en hauteur. Il fallait tenir en équilibre sur des perches qui étaient déjà mises. Et en même temps, faire des brûlages qui tiennent bien pour ne pas qu'ils bougent. Et on peut éprouver la solidité ? Oui, on peut. C'est solide. C'est souple, mais solide. Allez, on verra si François Brébant revient entier de cette visite à Stoum. Le festival de musique de Stavelot s'achève demain. D'ici là, il reste à découvrir des artistes de choix qui sont aussi des habitués du festival. L'ensemble Oxalis, l'excellente soprano Sophie Carthauser et le baryton Thierry Vallier. À Spa, la cure de théâtre se poursuit jusque lundi. Ce soir, une nouvelle création, Camille. Un texte inspiré de la vie de Camille Claudel, l'artiste qui fut aussi la compagne de Rodin. Nel Paxinou signe la mise en scène. En fait, ce n'est pas une biographie au sens strict. C'est quatre étapes de sa vie. On passe de l'hiver au printemps, qui est la naissance de sa vocation, à son été torride avec Auguste Rodin, et à l'automne avec les tempêtes de son cerveau. C'est un hommage en quelque sorte à Camille Claudel. C'est non seulement un hommage à Camille Claudel, mais c'est un hommage à une femme extraordinaire qui non seulement avait un talent extraordinaire comme sculpteur, mais qui aussi a ouvert les questions que les femmes peuvent se poser si elles veulent être créatrices et femmes. À découvrir ce soir et demain au Festival de théâtre de Spa et puis entre festival et fête du 15 août, un peu de temps peut-être pour aller au stade. En football, le Standard, toujours invaincu, se déplace à Zulte-Waregem ce dimanche à 14h30, alors que l'AS Eupen, qui n'a pas encore engrangé le moindre point, jouera également en déplacement. Les germanophones rendront visite à Westerlo demain soir, coup d'envoi du match à 20h. Je vous souhaite un très bon week-end, de bonnes fêtes du 15 août, à Liège ou à Ouï, où que vous soyez, passez une très bonne journée. Alors, d'Aziz Aïn au Colossal, le week-end en perspective, Stéphane sur les routes RTBF Mobile Info. C'est très très clean pour les embouteillages ce matin parce que ça ralentit sur le 42 entre Prume et Bâtisse, entre Anzival et Chesnay. Comptez une vingtaine de minutes supplémentaires. Et puis il y a quand même un point rouge, hein, c'est ce véhicule en panne du côté de Halter sur le 40 au stand Bruxelles. Et les automobilistes qui sont coincés dans ces embouteillages ne sont pas prêts d'arriver à Bruxelles car c'est plus d'une heure de ralentissement, 83 minutes, donc 1h20 pour rejoindre Grand Bigard. Bon courage à vous si vous êtes concerné par ces embouteillages. Sur le ring, ça se passe bien. La circulation n'est que légèrement dense à l'approche du chantier d'Anderlecht en circulation intérieure entre Ytre et Grand Bigard. Et puis, je vous rappelle que tout à l'heure, sur Vivacité, branchez-vous dès 15h30 pour suivre les points RTBF Mobile Info, car nous allons prendre de l'altitude pour vous informer grâce au Mobicopter RTBF. Des points donc depuis le ciel entre 15h30 et 19h30. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et avant l'hélico, on prend l'avion puisque nous rejoignons Rio dans un instant, notamment pour parler avec nos envoyés spéciaux des problèmes de sécurité. Cet été, Vivacité tient une forme olympique. Ce lundi 15 août, de 14 à 17h, retrouvez-nous en direct de la Rio House à Ostende pour vibrer au rythme des JO avec les athlètes belges et le COIB. Les Jeux Olympiques de Rio 2016. C'est sur Vivacité, la radio du sport. Dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici. Bienvenue à la version upgradée du camping des Romarins. Ah. Votre caravane de 300 mètres carrés vous attend, jacuzzi, salle de cinéma, cuisinier privé, pas de voisins, moins de 100 mètres. Oh, super, et pour la pétanque? Pas de summer break sans pétanque, madame. Voici vos boules, en or massif. Des boules en or, oh, j'adore. Pourquoi ne pas aussi upgrader votre vie? Par exemple avec un break Mercedes classé de chez Merlin New Car. Il y en a déjà un au prix chantant de 17 999 euros sur nlc.be. Merlin New Car. By Mercedes-Benz. De 8 à 9, le 8-9. Alors qu'est-ce qu'on fait ce matin? On réveille ceux qui ont passé la nuit à l'Eurospace Center de Redu pour la nuit des étoiles pour leur demander s'ils ont vu quelque chose. C'est donc débriefing de la nuit, les étoiles filantes. Oui, mais hier, on est tous d'accord que le ciel était un peu bouché. Complètement. Sauf que ni l'un ni l'autre n'étions à Redu, évidemment. Non, mais c'est vrai que ça devait être compliqué quand même de voir quelque chose. Voilà, donc le truc qui brille était peut-être une étoile. On essaiera de confirmer ça à Redu. Les people sont en vacances. Oui, on va parler de Drew Barrymore qui fait la grosse fiesta pour une raison assez cocasse. Et puis un des jeunes frères Hanson, souvenez-vous, c'était dans les années 90. Il est papa. Et puis on vous fera revivre la rencontre que nous avions eue avec un des tubes et un des papas de tubes de ce moment, c'est Navi qui sera notre invité tout à l'heure. Alors j'écoute, tu m'as resté. Si ce truc n'a pas tourné 1500 fois cet été, il n'a pas tourné une seule fois et le jeune homme s'appelle donc Navi, il était venu nous dire bonjour. Dans l'immédiat, 8h39. Bien manger, c'est déjà gagné. Avec Deleuze, partenaire officiel de l'équipe belge. Vivacité. Les Jeux Olympiques de Rio en direct. Et à Rio, c'est Françoise Aleski qui nous attend ce matin. La première chose, Françoise, c'est de savoir si vous allez bien, puisqu'on a vu et entendu parler de cette explosion hier à Rio. Est-ce que vous allez bien? Oui, on va bien, évidemment. Si je suis là, c'est que ça va bien, merci. L'explosion d'hier, ça a suscité un peu de panique chez les professionnels, chez les athlètes? Oui, ben écoutez, par les temps qui courent, c'est clair que quand le bruit arrive dans la rédaction qu'une explosion vient d'avoir lieu dans le parc olympique, le premier réflexe, c'est d'abord de paniquer un petit peu et de se dire on va tout de suite aller voir ce qui se passe là-bas parce qu'on est, on n'est pas très loin ici au centre de presse internationale. Donc on a directement envoyé des journalistes qui sont allés sur place et qui, heureusement, ont rapidement pu nous rassurer et nous dire qu'en fait, il s'agissait probablement d'une fausse alerte dans un premier temps, ce qui s'est confirmé par la suite puisque l'explosion, c'est en fait les démineurs qui sont venus sur place pour faire exploser un colis qui était suspect et qui était placé en fait dans la zone où on réalise les interviews d'après match. Ils n'ont voulu prendre aucun risque et c'est pas la première fois que ça arrive parce que ça s'est déjà produit juste avant la cérémonie d'ouverture du côté du Maracana, le grand stade Maracana, et puis aussi juste avant l'arrivée de la course cycliste où un sac à dos avait était jugé suspect, qu'on avait fait exploser en faisant toujours bien attention hein, d'évacuer le public qui se situe autour. Ça veut dire quand même qu'on ne badine pas avec les règles de sécurité et ça veut dire aussi qu'on reste méfiant hein, du côté des organisateurs. Attention à ce genre de colis. On a quand même vu, pour être honnête avec vous aussi, des gardes qui prennent un petit peu moins de gants et quand on leur dit « tiens, ce sac, il est bizarre, il traîne là depuis un petit moment », bah parfois ils le prennent tout simplement et vont le déposer aux objets perdus. Juste un mot rapide encore sur la sécurité, puisqu'on a vu quand même un de nos médaillés en fêtant sa médaille avait été un peu castagné dans la rue. Est-ce que vous vous sentez en sécurité là-bas? Mais c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de plusieurs agressions. On a vu aussi le cas de cette route qui mène à Deodoro vers un domaine militaire où finalement il y a pas mal d'installations sportives comme le hockey par exemple. Et là-bas aussi, il y a un centre de presse dans lequel on a déjà retrouvé deux douilles de balles dont on n'a pas su expliquer finalement la provenance. Donc tout ça, c'est vrai que ça fait un peu peur. Puis il y a ce dont on parle un petit peu moins et qui concerne aussi la sécurité des athlètes, de tous ceux qui gravitent autour de l'organisation de ces Jeux Olympiques à Rio, c'est la manière dont conduisent parfois les chauffeurs de bus, parce que c'est vrai que quand on se trouve dans les bus de l'organisation qui nous amène d'un point à un autre, ça gigote pas mal, ça bouge même beaucoup, et hier il y a eu un accident quand même assez grave, puisqu'un bus a roulé beaucoup trop vite sur un casse-vitesse, et tout le monde a fort bougé dans le bus, il y a eu un bras cassé et plus grave encore puisque l'un des journalistes présents dans le bus a eu le dos brisé et il ne marchera plus jamais. Donc ça aussi, ça fait partie de la sécurité et on voit qu'à différents points de vue, les Brésiliens devraient encore resserrer quelques boulons à ce niveau-là. Alors le sport quand même, François, 40 secondes devant nous pour évoquer un des moments forts des Jeux, c'est le début de l'athlétisme. Oui, la discipline reine, ça commence aujourd'hui. C'est l'un des grands moments, forcément. On ne présente plus les stars hein, de l'athlétisme. Usain Bolt, on ne le verra pas aujourd'hui. Mais par contre, on va voir quelques Belges. Alors, Philippe Milanov au lancer du disque, c'est l'un de nos espoirs de médaille. On va également suivre Nafissatou Thiam aux quatre premières épreuves de l'heptathlon. Et puis, surtout, les frères Borlée qui vont disputer les séries du 400 mètres. Malheureusement, on parle aussi un petit peu de dopage avec deux athlètes prises pour dopage. Une nageuse chinoise et une athlète bulgare et puis un entraîneur kényan qui a été ramené à la maison puisqu'il s'était substitué à son athlète lors d'un contrôle antidopage. Voilà, ce sont les photos d'identité qui ont permis aux contrôleurs de sentir le mauvais coup. C'est toute la vie des Jeux résumée alors en trois points, sécurité, dopage et un peu de sport quand même avec cet événement. Parce qu'on a beaucoup parlé les gars autour de la table de Michael Phelps, enfin champion d'athlétisme qui arrive quand même. Ça c'est un moment excitant pour vous, pas Julie? Bah oui, pourquoi pas, enfin, on peut varier les plaisirs. Pour l'instant c'était un peu sans surprise, j'ai envie de dire, les Jeux Olympiques de Rio avec Phelps. Ouais, j'ai l'impression que c'est Phelps, et là ce sera donc Bolt dans les jours qui viennent. Merci François, et à tous les jours dans le 8-9 bien sûr, un coup d'œil depuis Rio. On marque une nouvelle pause et puis les people qui sont en vacances. Les Jeux Olympiques de Rio 2016. Viva! Viva! Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tous en selle pour découvrir mon Namur. Rendez-vous ce 13 août, on brunch sur la plus grande citadelle d'Europe, et puis on pédale vers Malonne, Bois de Villers et les bords de Meuse. À l'arrivée, concert gratuit de BJ Scott and Friends. Venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Vivacité et Ouf TV présentent Waouh ! Londres, Paris, Berlin, Mini-Europe. Un monde miniature où vous attendent 350 monuments reproduits à la perfection. Flânez dans ces superbes jardins et actionnez les nombreuses animations interactives. Mini-Europe, Mini-Europe, c'est géant. Et ensuite, plongez dans l'Océade à côté de l'Atomium. Avec Vous Sport World, le meilleur du sport international débarque chez vous. Cette offre est disponible pour 14,99€ par mois. Ce qui va Federer. Pas mal de monde. Alors pour profiter de l'excellente compagnie de Vous Sport World, allez vite dans une boutique Vous sur vous.be ou au 0800 800 25. Vous verrez, ils sont... Couture ! Si vous aimez le sport, vous devez avoir Vous Sport World. Offre soumise à condition. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Et les people en vacances, on commence donc par les vacances de Drew Barrymore, Julie. Mais oui, parce qu'on se souvient de la petite sœur d'Eliott dans E.T., de la jolie rose des drôles de dames. Drew Barrymore, c'est aussi une histoire d'amour, 4 ans de mariage avec un certain Will Koppelman, sauf que c'était le divorce le plus rapide de toute l'histoire d'Hollywood. Combien de temps pour prononcer le divorce, à votre avis ? 24 heures. C'est tout ? Non. 28 jours. Non. Plus court ? On parle de 3 semaines. Mais pour Hollywood, qui aime bien tirer en longueur les divorces pour faire parler de tout ça dans la presse people, c'était plutôt pas mal. Du coup, il y a une tradition aux États-Unis, quand on divorce, on fait la fête et vous savez comment ça s'appelle ? Non, la breaking party. C'est la divorce party, tout simplement. La divorce party de Drew Barrymore, ça donne une grosse fiesta avec les copines du côté de Las Vegas. Regardez, on peut voir qu'elle prend l'avion si vous êtes connecté sur son compte Instagram à la maison. On la voit avec tous ses copains, on fait la fête, on part en virée du côté d'une petite course de karting aussi avec les copines, histoire de se faire plaisir. On va à la piscine, se détendre, petit maillot de bain, lunettes de soleil. Elle est encore plutôt jolie, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Drew Barrymore est plutôt pas mal. Si vous nous suivez à la radio, Julie nous montre des photos. Il y a 3 personnes et je ne sais pas qui est Drew Barrymore sur milieu, la photo. Non, elle est au milieu. Ah ben c'est, voilà une femme qui ne se ressemble pas en photo, en fait. Elle est différente. Hein. Ouais, elle est différente. Elle a changé aussi avec le temps. C'est vrai qu'elle a changé, même si je trouve qu'elle reste encore assez jolie. Et alors, elle a aussi eu un petit meet and greet avec le magicien David Copperfield. Bref, elle s'est vraiment fait plaisir. Et puis, le clou aussi de sa petite virée de divorce party, c'est un selfie avec madame Jennifer Lopez. Voilà. Ah bah comme quoi, tout le monde est à la Elles se connaissent en matière de divorce, toutes les deux. C'est ce que j'allais dire, en fait, à son copine. Les petits conseils. Comment t'as chopé le plus d'argent, toi ? Je sais pas. Las Vegas, c'est la ville et du mariage et du divorce simultané. C'est vrai, ça. Il y a logique. Il y a un petit côté very bad trip, vous irez voir sur son compte. C'est sur son compte Twitter ou Instagram ? Instagram. Sur son compte Instagram, Drew Barrymore. Autre nouvelle, Carnet Rose pour un boys band mythique des années 90. Ouais, le vintage est à la mode, on se replonge dans les années 90, on se souvient de ça, entre autres. C'était la chanson fétiche des Hanson. Mbop, exactement, Mbop en 1997, souvenez-vous. Il y avait 3 garçons, il y avait Taylor, Isaac et le petit batteur. Il s'appelait Zach aujourd'hui, en 2016, il a 30 ans et il a un petit garçon, un petit bébé qui est né le 6 août dernier. Il est très content, il poste pas mal d'images et ça tourne dans la presse people. Et entre-temps, il est devenu brun, parce qu'avant, il m'avait l'air beaucoup plus blond, enfin blond... Petit blondinet de petit garçonnet, quoi. Ouais, petit blondinet de garçonnet, c'est devenu un homme. Il est 8h47, un jeune homme était venu nous voir à l'époque dans le 8-9 pour nous présenter son tube. J'écoute du Miles Davis. Eh bien, replongeons dans cette rencontre avec Navi, il y a quelques semaines. On fait connaissance avec vous ce matin, puisqu'on connaît le titre « J'écoute du Miles Davis ». Quel âge avez-vous ? J'ai 21 ans. D'où venez-vous, ville ? Je viens de Crouy-sur-Ourcq, un petit village de Seine-et-Marne, tout à l'est de Paris. Navy, c'est Yvan, sauf qu'il y a un micmac avec le « i ». Pourquoi vous avez rajouté un « Navy » parce que ça fait « Navy ». Alors en fait, c'est pour faire une croche de musique avec les deux points des « i ». Voilà, c'est une question de stylisme. Ah ouais, tout est travaillé. On pourrait appeler ça un tréma même un peu. Non, rien à voir. Comment ça n'a rien à voir? Dites carrément un umlaut aussi alors, excusez-moi. Quand je comprends pas les mots, je passe à autre chose. Je passe discrètement. Donc votre père était trompettiste de jazz, d'où sans doute la référence à Miles Davis. Vous avez écouté beaucoup de jazz à la maison ou c'est pour la légende et pour la promo? En fait, on a voulu trouver un titre original déjà. On a trouvé ça intéressant de citer un compositeur que peut-être la plupart des jeunes ne connaissent pas forcément. Alors que vous auriez pu faire, j'écoute du Franck Michael. C'est vrai, mais moins jazz. Moins jazz. Voilà, jazz. J'écoute du Claude François. Ça sonnait aussi. Et puis en fait, j'ai toujours écouté énormément de musique, donc que ça soit Skyrock quand j'étais plus jeune, donc du rap, la musique du moment et de la chanson française, du jazz, de la musique du monde, un peu de tout. Mais il n'écoutait pas de Frédéric François, votre papa? Non, pas du tout. Ma mère écoutait plutôt du Jacques Brel, du Brassens. Ouais. Des chanteurs un peu plus... Et alors vous avez un truc incroyable, parce que bon, vous jouez du piano, de la basse, ça c'est assez classique, mais de la grosse caisse, vous jouez de la contre-grosse caisse. D'abord, explication, qu'est-ce qu'une contre-grosse caisse? Voilà, je suis pas venu avec, parce que c'est compliqué à transporter, vous voyez. Oui. Et en fait, c'est un manche de contrebasse sur une caisse de batterie. Voilà. Et ça fait quoi comme son? Ah oui. Ça a un son qui se rapproche de la contrebasse, mais qui est quand même très compliqué à sonoriser comme instrument. C'est un peu basse. Ouais, c'est les cordes de la contrebasse qui dirigent la batterie? En fait, le manche de contrebasse est fixé sur cette caisse de batterie. Donc, je pense qu'on peut. Il y a des systèmes où on peut taper en même temps, en jouant. Mais c'est vrai que c'est un son assez, un peu fade, quoi. Enfin, c'est pas très rond. Mais ça ressemble à quoi? Faites-moi le son, parce que vous voyez bien qu'en Belgique, on n'a pas. Mais il n'est pas bruiteur non plus, je veux dire. Attends, il le fait. Tom, tom, tom. Ça ressemble à une contrebasse. C'est vrai, je sais pas trop limité encore. J'ai pas bossé là-dessus. Ouais. Vous pouvez me faire Alexandra en contrebasse. En contrebasse, attention. La difficulté est là. Si vous parlez d'un instrument de musique, soyez au moins précis. Bon, alors, au départ, la musique, et puis vous commencez à mettre toute une série de reprises sur Internet, notamment pour donner des nouvelles à votre sœur. Elle est où, votre sœur, à ce moment-là? Elle est en Australie. Ouais. Donc, c'est pas tout près. Et plutôt que d'envoyer des cartes postales, vous lui envoyez des prestations musicales sur YouTube. En fait, on s'est jamais vraiment trop vu, et encore moins au moment où elle était en Australie, donc je voulais lui donner un peu des nouvelles. C'était assez rigolo, elle qui m'a toujours suivi dans la musique, qui est musicienne aussi. Je voulais lui montrer un peu ce que je faisais. Et puis c'était aussi pour mes copains qui m'ont encouragé en fait. Donc il y avait aucune. C'est là qu'on vous repère ou pas? Bah ouais, en fait c'est à force d'en poster des petites vidéos, et puis il y en a certaines qui ont eu un peu plus de vues que d'autres, et je reprenais des chansons à ma manière, donc c'était du Stromae, du Trio, du Mathieu Chédid. Attends, c'est dommage que je les ai pas, parce qu'il y en a une qui m'intrigue. Donc dans les reprises sur Facebook, il y a du Georges Brassens en version samba. Ça doit être quelque chose, Georges Brassens. J'ai essayé. Des chansons? On me l'a ressorti il y a pas longtemps en interview, on m'a dit ah mais t'as fait ça aussi. Putain, c'est vieux, j'avais carrément oublié. Avec quelle chanson, c'est un truc, ça va? C'était Toi l'Auvergnat en version samba. C'était Il n'y a pas d'amour. Ouais. Ça rien n'est jamais acquis à l'homme ni sa force. En fait, je le faisais en guitare un peu de jazz avec petits arrangements. Bon, quand je réécoute, je me dis, ouais, il y a quand même du taf. Hein. Quand même. Autocritique, c'est déjà ça. Ce que je vois dans son regard, pourquoi il m'en parle? Même une performance ou un Fabien Le Castel, ça, d'imiter Georges Brassens en version samba. On a vu peu d'imitateurs sont capables de le faire. Et donc vous me rappeliez au chapitre People que ce jeune Navi... C'est l'amoureux de la petite Louane. Voilà, et alors Pierre va trancher, est-ce qu'ils vont bien ensemble? Oui, ils sont mignons tous les deux. Pas d'un enthousiasme débordant non plus. Mais on les a pas encore beaucoup vus ensemble non plus. Hein. Vrai, on a vu juste deux photos là, c'est tout. Hein. À part, ils ont l'air assortis, deux jeunes gens assortis. Oui, c'est ça. Nous allons à Redu dans un instant prendre des nouvelles de la nuit des étoiles. Alors, vous avez vu un truc ou c'était bouché? Ce samedi sur Vivacité, vous avez rendez-vous avec Julianne Peretta, Louane, Cœur de Pirate, Lost Frequencies. Dès 17h, Marc Vernon et Marion Jomotte vous font vivre en direct les meilleurs moments du Brussels Summer Festival. Dès 11h, Vivacité aura un air de vacances. Elle est pas belle la vie? Chez Brico Planit, c'est 13 et 16 août, moins 15% sur tout et moins 25% à partir de 250€ d'achat. Plus d'infos sur planit.be. Brico Planit, tout pour la maison. Konnichiwa. Tu m'emmènes au Japon cet été? Mieux, je t'invite sur la Grand Place de Bruxelles. Du 12 au 15 août, le 20e tapis de fleurs de Bruxelles fête 150 ans d'amitié belgo-japonaise. Info et tickets sur flowercarpet.be. Avec la région de Bruxelles-Capitale, la ville de Bruxelles, la Loterie Nationale, la Une et Vivacité. Génial, le long week-end du 15 août. Et chez Intermarché, on a droit à un lapin entier à moitié prix. Seulement 4,99€ le kilo, soit 50% d'économie. Et nous sommes ouverts ce lundi 15 août. Horaire en magasin et sur intermarché.be. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Attends, Jean, je sais que t'as envie d'un jus de fruits maternes, mais pas en pleine nuit quand même. Les jus de fruits maternes, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci materne. Au rayon frais. Le 8-9. Il est 8h54, la nuit des étoiles se déroulait à Redu. L'enjeu évidemment outre les conférences et le site majeur en Wallonie, c'était de voir les étoiles filantes. Vous avez déjà vu des étoiles filantes dans votre vie les gars? Oui. Oui, on fait des vœux alors. En Belgique? Oui, bien sûr, ouais. les belles soirées d'été. Sauf que hier, il faisait dégueulasse, disons-le sans nuance. Nous appelons Redu, Yvan Fontaine est en ligne, bonjour. Bonjour. Et donc vous êtes là depuis hier, depuis le début. Vous avez vu quelque chose ou c'était bouché? Ah, je vais pas vous mentir, Benjamin, hier c'était bouché, donc on n'a rien vu. Hein. Au niveau étoiles filantes, c'est beau, quoi. Mais alors, pour voir, pour les prochaines fois, il vous faut un ciel complètement dégagé et une belle journée d'été lumineuse, ou un truc à la belge à moitié, ça peut convenir? Un truc à la belge à moitié, ça peut convenir également. Il suffit d'avoir quelques éclaircies et parfois un petit ciel dégagé. Il faut savoir que les étoiles filantes, comme on les appelle, on peut en voir plus ou moins une bonne à la minute, hein, je veux dire. Donc voilà, vous imaginez, 5 minutes de ciel dégagé, vous pouvez déjà en voir quelques-unes. Vous aviez du monde hier où les vrais experts se sont dit « je m'abstiens, je vais pas ». C'était quoi la fréquentation alors de la nuit ? Non, on a eu du monde, ça c'est quand même, voilà, à partir du moment où le public répond présent, pour nous, on tourne aux alentours de 1000 personnes qui se sont déplacées pour venir à l'Eurospace Center et voilà, assister non seulement évidemment aux conférences, voir un petit peu les ateliers des experts dont vous parlez, et puis participer à nos ateliers en famille. Ah, y a un atelier qui m'intrigue, j'y reviens dans une seconde, mais je reprends d'abord le programme, donc observation nocturne au télescope dès 22h, ça je vais le barrer, alors parce qu'il n'y a pas eu moyen. Observation du soleil dès 15h. Vous l'avez vu le soleil hier à Redu? Mais malheureusement, le soleil, non, il nous a boudé aussi. Donc... Ok, vous inquiétez pas, je le barre. On va barrer aussi. Alors, il y avait écoute des étoiles filantes. C'est quoi? C'est vraiment écouter le son de l'étoile? Voilà, c'est écouter non seulement le son, et puis on peut les voir aussi avec un système de radar. Alors ce sont des antennes qui ont été placées un peu partout sur le territoire, notamment c'est une initiative de l'IASB. On peut voir alors ces bolides, ces étoiles filantes qui traversent l'atmosphère, et alors on en a une trace. Alors la trace est visuelle, du coup. On peut le voir sur un écran, mais également... C'est quoi comme son? Parce que s'il fallait l'illustrer dans un film, on ferait un truc qui est du genre... Voilà. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Ah, on a tous vu les mêmes films. Moi, ici, c'est plus un son... voilà, c'est plus un son de... radio. Ouais. Vous pouvez me le refaire, parce que j'ai pas bien entendu, Yvan Fontaine. Ça fait quoi? Ah, ça fait plutôt... Ouais, donc on n'est pas du tout dans... Ah non, hein? Non. Et qu'est-ce qui fait... Ben, je ne sais pas, mais... Ah, rien. Une canette de soda. La légende, évidemment, on parle d'étoiles filantes. Ici, il faut bien savoir évidemment, que ce ne sont pas des étoiles, hein, ce sont des petits objets, donc vraiment de la taille d'une petite, minuscule caillou qui passe, donc qui brûle dans l'atmosphère. On appelle déjà ça des étoiles filantes, mais évidemment, c'est pour faire rêver plus les gens. Ah, dans tous les cas de figure, c'est pour ça qu'on voulait vous faire un clin d'œil. D'habitude, on vous appelle avant la nuit. Là, on voulait une fois le bilan de la nuit. On sait bien qu'en Belgique, c'était un kit ou double. Juste un mot sur les conférences qui étaient présentes hier et proposées. Il y en a une qui, moi, m'intrigue, c'est sur les missions lunaires habitées, parce que dans le fond, il n'y en a pas eu énormément, ça fait longtemps qu'il n'y a plus eu des missions lunaires habitées. Alors ça, oui, c'est une conférence de Pierre-Emmanuel Polis, donc notamment président de la Mars Society, donc il s'intéresse évidemment à tout ce qui est mission spatiale habitée, donc les missions lunaires, les missions Apollo. Voilà, on sait quand même qu'il y a eu 12 hommes qui ont marché sur la Lune, et on reparle aussi pour les années 2020 d'installer une base donc de l'ESA, hein, de l'Agence spatiale européenne, hein, une base habitée sur la Lune. Yvan Fontaine, réellement, ils ont été sur la Lune ou c'était un décor Hollywood? Oh, c'est Stanley Kubrick, hein, tout le monde le sait. Ah ben voilà, ils confirment. Vous croyez qu'ils ont vraiment été ou pas? Moi, je crois que oui. Julie? Oh, je suis sûre qu'il y a une cave quelque part dans le monde, on non, a fait tout ça. Ah, il y a le clan des sceptiques et les autres. Sur ce coup-là, je m'abstiens. Yvan Fontaine, on vous laisse aller faire dodo, alors maintenant, à Redu, à bientôt. Merci Benjamin, à bientôt. Voilà, et clin d'œil aux 1000 passionnés qui étaient là. Redu, c'est un site que Viva connaît effectivement très très bien. C'était la nuit des étoiles. Bon week-end les gars autour de la table. Bon week-end. Profitez bien du 15 août. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Faites-vous plaisir. Oublions Caroline la nuit où on n'a rien vu pour se concentrer sur ce vendredi ce week-end. Alors ce vendredi déjà, on a pas mal de nuages, c'est vrai, rassurez-vous, ça va se dégager pour cette nuit, vous pourrez regarder les étoiles filantes. On aura quelques éclaircies supplémentaires cet après-midi, surtout en deuxième partie d'après-midi vers le bord de mer, elles seront particulièrement belles. Au sud du Sion sans brumeuse, toute cet après-midi en revanche, on va garder pas mal de nuages, des éclaircies plus faibles et encore un risque d'ondées sur les hauteurs de l'Ardenne. Les maxima iront de 19 à 25 degrés. Ce soir et cette nuit, le ciel va se dégager, donc on aura des températures de 11 à 15 degrés. Et puis demain et dimanche, de belles journées s'annoncent avec des éclaircies, quelques passages nuageux, des températures assez stationnaires entre 21 et 25 degrés et même de très belles journées pour lundi et mardi, on nous l'a promis. Merci Madame Gillet. Après les infos de 9h, c'est la grande évasion en compagnie de Pierre Joie, bien sûr. Cet été, Vivacité tient une forme olympique. Ce lundi 15 août, de 14 à 17h, retrouvez-nous en direct de la Rio House à Ostende pour vibrer au rythme des JO avec les athlètes belges et le COIB. Les Jeux Olympiques de Rio 2016, c'est sur Vivacité, la radio du sport. Très bon début de journée, vous écoutez Vivacité, il est 9h. 9h, c'est le moment de s'informer avec Nathalie Servet. Bonjour Nathalie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. C'était il y a 20 ans, nous entendions pour la première fois le nom de Marc Dutroux. Oui, Marc Dutroux est arrêté en compagnie de Michel Martin et Michel Lelièvre. Une arrestation qui va plonger le pays dans l'horreur, avec quelques jours plus tard la découverte des corps de Julie, Mélissa, Anne et Effieux. C'est le début de l'affaire Dutroux, une affaire judiciaire qui va traumatiser la Belgique pendant de longs mois et provoquer de profonds bouleversements dans la société, le monde judiciaire. Retour sur les premiers jours de cette affaire avec Cédric Loriot. Le 13 août 1996, Marc Dutroux, sa femme Michel Martin et un complice Michel Lelièvre sont arrêtés à Sarre-la-Bouissière. Ils sont suspectés d'avoir enlevé une jeune fille de 14 ans, Laetitia Delay, 4 jours plus tôt à Bertry. Après 48 heures d'interrogatoire, Dutroux passe aux aveux. « Je vais vous donner deux filles », lâche-t-il aux enquêteurs. C'est alors qu'on découvre une petite maison de Marcinelles, le long du chemin de fer, tout proche du centre-ville de Charleroi. Dans une cache dissimulée derrière une étagère de la cave, les enquêteurs y retrouvent vivante Laetitia Delay, mais aussi Sabine Dardenne, 12 ans, enlevée 2 mois et demi plus tôt dans la région de Tournai. Conchetta Giambra, une voisine qui habite toujours là, se souvient. On était surprise de voir la police, toute la rue était remplie, des journalistes. On se demandait quoi. On était surpris, on ne pouvait pas imaginer ça. On s'est dit comment c'est possible que j'ai rien vu, comment c'est possible que j'ai rien compris, rien entendu. La joie de ces libérations sera de courte durée. 2 jours plus tard, Dutroux avoue avoir enlevé Julie Lejeune et Mélissa Rousseau, 8 ans. Leurs corps sont retrouvés dans le jardin de la propriété de Sarre-la-Bouissière. On apprendra plus tard que les deux petites filles sont mortes de faim après 9 mois de séquestration dans la même cage de Marcinelles où ont été retrouvées Sabine et Laetitia. Le lendemain, nouvelle révélation de Dutroux sur l'enlèvement de Anne Marshall, 17 ans, et Effie Lambrex, 19 ans, disparue à Ostende 1 an plus tôt. Après 2 semaines de fouilles interminables dans les propriétés de Dutroux, leurs corps sont retrouvés dans un terrain de jumets. La Belgique est sous le choc, groggy, puis révoltée d'apprendre par la suite les nombreux dysfonctionnements de l'enquête. Et nous reviendrons tout au long de la journée sur cette dramatique page de notre histoire. Une bonne nouvelle pour la recherche contre le cancer, elle nous vient des chercheurs de l'UCL. Oui, ils ont découvert qu'une tumeur pour grossir ne se nourrissait pas uniquement de glucose, mais aussi de lipides, de graisse. Donc, Yasmina Favaros, cette nouvelle information constitue une avancée importante. Pourquoi ? Parce qu'à présent, on va pouvoir cibler les lipides. Les scientifiques savaient donc déjà qu'une tumeur grossissait en se goinfrant de sucre. Mais à un moment, tout ce glucose, ça rend la tumeur acide, ce qui est mauvais pour elle. Alors, elle change de source d'énergie. Écoutez, Olivier Feron, directeur du laboratoire de pharmacologie et de thérapeutique de l'UCL, le laboratoire à la base de cette découverte. Des lipides, en particulier des acides gras. Et c'est cette nouvelle source d'énergie qui permet à la tumeur de continuer à grandir dans son environnement acide. Conséquence